Comment dit-on savoir? Saber. Saber, hein? Saber. Et vous savez? Sabe. Encore une fois? Sabe. Je voudrais entendre plus nettement la syllabe accentuée. Sabe. D'accord, hein? Sabe. Et savez-vous où c'est? Sabe donde está? Sabe donde está? Et comment direz-vous je ne sais pas où c'est? No sé. Très bien. No sé, hein, je ne sais pas où c'est. Donde está? Alors, encore une fois, je ne sais pas où c'est. No sé donde está? C'est ça. Hein? No sé donde está. Et comment dit-on faire? Hacer. Hacer. Alors, comment direz-vous, pourquoi est-ce que vous ne le faites pas? Por qué no lo hace? Accentuez un peu plus nettement. Por qué no lo hace? D'accord. Por qué no lo hace? Hace. Por qué no lo hace? Pourquoi est-ce que vous ne le faites pas? Et si vous demandez, vous n'aimez pas ça, c'est-à-dire, ça ne vous plaît pas? No le gusta? Bien, no le gusta.